Section 18 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 2, chapitre 5, perquisition. À peine la porte fut-elle refermée que, l'oreille contre le ventail, Jean écouta les bruits du dehors. De la main, il avait fait signe à sa mère et à Clary de ne pas dire un mot, de ne pas faire un mouvement. Et Bridget, qui allait s'écrier « Pourquoi es-tu revenu, mon fils ?» Bridget se tut. À l'extérieur, on entendait aller et venir sur la route. Des propos étaient échangés entre une demi-douzaine d'hommes qui avaient fait halte à la hauteur de Maison Close. « Par où est-il passé ? Il n'a pu s'arrêter ici. Il se sera caché dans quelques maisons du haut. Ce qui est certain, c'est qu'il nous a échappé. Et pourtant, il n'avait pas sur nous 100 pas d'avance. » Avoir manqué Jean sans nom. Et les 6000 piastres que vaut sa tête. En entendant la voix de l'homme qui venait de prononcer ces derniers mots, Bridget eut un tressaillement involontaire. Il lui sembla qu'elle connaissait cette voix, sans pouvoir retrouver dans son souvenir. Mais Jean l'avait reconnu, cet homme acharné à sa poursuite. C'était Rip. Et, s'il n'en voulut rien dire à sa mère, c'est que c'eût été lui rappeler l'horrible passé qui se rattachait à ce nom. Cependant, le silence s'était fait. Les agents venaient de remonter la route, sans avoir soupçonné que Jean eût pu se réfugier à Maison Close. Alors, Jean se retourna vers sa mère et Clary, immobile dans l'ombre du couloir. À cet instant, avant que Bridget eût interrogé son fils, la voix de M. de Vaudreuil se fit entendre. Il avait compris que Jean était de retour, et il disait « Jean, c'est vous ?» Jean, Clary et Bridget durent aussitôt rentrer dans la chambre de M. de Vaudreuil, et, profondément troublés, vinrent se placer près de son lit. « J'ai la force de tout apprendre, » dit M. de Vaudreuil, « et je veux tout savoir. »« Vous saurez tout, » répondit Jean. Il fit le récit suivant, que Clary et Bridget écoutèrent sans l'interrompre. « L'autre nuit, 2 heures après avoir quitté Maison Close, je suis arrivé à Saint-Denis. Là, j'ai retrouvé quelques-uns des patriotes qui avaient survécu au désastre. Marcheseau, Nelson, Cartier, Vincent Hodge, Farrancler les avaient rejoints. Ils s'occupaient de la défense. La population ne demandait qu'à les soutenir. Mais hier, nous apprîmes que Colborne avait fait partir de Sorel une colonne de réguliers et de volontaires pour piller et incendier la bourgade. Cette colonne arriva dans la soirée. En vain, voulûmes-nous lui opposer quelques résistances. Elle pénétra dans Saint-Denis, que les habitants durent abandonner. Plus de 50 maisons ont été détruites par les flammes. Alors, mes compagnons ont dû fuir pour ne point être égorgés par ces bourreaux et gagner du côté de la frontière, où Papineau et autres attendaient à Plattsburgh, à Rouse's Point, à Swanton. Et maintenant, les soldats de Witherall et de Gore vont envahir les comtés au sud du Saint-Laurent, brûlant et dévastant, réduisant les enfants et les femmes à la mendicité, ne leur épargnant ni les mauvais traitements, ni les affronts de toutes sortes, et l'on pourra suivre leurs traces à la lueur des incendies. Voilà ce qui s'est passé, monsieur de Vaudreuil, et pourtant, je ne désespère pas, je ne veux pas désespérer de notre cause. Un douloureux silence suivit le récit que Jean venait de faire. Monsieur de Vaudreuil s'était laissé retomber sur son chevet. Bridget prit la parole, et s'adressant à son fils, qu'elle regardait en face. « Pourquoi es-tu ici ? » dit-elle. « Pourquoi n'es-tu pas où sont tes compagnons ?» Parce que j'ai lieu de craindre que les royaux reviennent à Saint-Charles, que des perquisitions y soient faites, que l'incendie achève de dévorer ce qui reste de... Et peux-tu l'empêcher, Jean ? Non, ma mère. Eh bien, je le répète, pourquoi es-tu ici ? Parce que j'ai voulu voir s'il ne serait pas possible que M. de Vaudreuil quittât Maison Close, qu'il ne serait pas plus épargné que les autres habitations. Ce n'est pas possible, répondit Bridget. Je resterai donc, ma mère, et je me ferai tuer en vous défendant. C'est pour le pays qu'il faut mourir, Jean, non pour nous, répondit M. de Vaudreuil. Votre place est là où sont les chefs des patriotes. Là où est aussi la vôtre, M. de Vaudreuil, répliqua Jean. Écoutez-moi, vous ne pouvez demeurer dans cette maison, où vous serez bientôt découvert. Cette nuit, un demi-mille avant d'arriver à Saint-Charles, j'ai été poursuivi par une escouade d'agents de police. Il n'est pas douteux que ces hommes aient reconnu, puisque vous les avez entendus prononcer mon nom. On fouillera toute la bourgade, et lors même que je n'y serai plus, Maison Close n'échappera pas aux perquisitions. C'est vous que les agents trouveront, monsieur de Vaudreuil, c'est vous qu'ils arracheront d'ici, et vous n'avez pas de grâce à espérer. Qu'importe, Jean, répondit monsieur de Vaudreuil, qu'importe si vous avez pu vous réunir à nos amis sur la frontière. Écoutez-moi, vous dis-je, reprit Jean. Tout ce qu'il faudra faire pour notre cause, je le ferai. Maintenant, il s'agit de vous, monsieur de Vaudreuil. Peut-être n'est-il pas impossible que vous puissiez gagner les États-Unis. Une fois hors du comté de Saint-Hyacinthe, vous seriez en sûreté, et il ne resterait plus que quelques milles pour atteindre le territoire américain. Que vous n'ayez pas la force de vous traîner jusque-là, même si je suis là pour vous soutenir, soit. Mais, étendu dans une charrette, couché sur une litière de paille, comme vous l'êtes dans ce lit, n'êtes-vous pas en état de supporter ce voyage? Eh bien, que ma mère se procure cette charrette, sous un prétexte quelconque, celui de fuir, après tant d'autres, de quitter Saint-Charles, ou du moins qu'elle l'essaye. Et, la nuit prochaine, votre fille et vous, ma mère et moi, nous quitterons cette demeure, et nous pourrons être hors d'atteinte, avant que les massacreurs de Gore ne soient venus faire de Saint-Charles ce qu'ils ont fait de Saint-Denis. Un monceau de ruines. Le projet de Jean valait d'être pris en considération. À quelques milles au sud du comté, monsieur de Vaudreuil trouverait la sécurité que ne pouvait lui assurer Maison Close si les royaux envahissaient la bourgade et perquisitionnaient chez les habitants. Ce qui n'était que trop certain, c'est que Jean sans nom avait été signalé aux hommes de Rip. S'il leur avait échappé, ceux-ci devaient croire qu'il s'était réfugié dans quelque maison de Saint-Charles, et alors, tous les efforts ne seraient-ils pas faits pour découvrir le lieu de sa retraite? La situation était donc menaçante. À tout prix, il fallait que non seulement Jean, mais monsieur de Vaudreuil et sa fille eussent quitté Maison Close. La fuite n'était pas impraticable, à la condition que Bridget pût se procurer une charrette et que monsieur de Vaudreuil fût en état de supporter le transport pendant quelques heures. En admettant qu'il fût trop faible pour être conduit jusqu'à la frontière, il était assuré de trouver asile dans n'importe quelle ferme du comté de Saint-Hyacinthe. En résumé, il y avait nécessité d'abandonner Saint-Charles, puisque la police y faisait des recherches. Jean n'eut pas de peine à convaincre monsieur de Vaudreuil et sa fille. Bridget approuva. Malheureusement, on ne devait pas songer à partir cette nuit même. Le jour venu, Bridget chercherait à se procurer un véhicule quelconque. Ainsi, à la nuit prochaine, l'exécution du projet. Le jour vint. Bridget avait pensé que mieux valait agir ouvertement. Nul ne trouverait singulier qu'elle se fût décidée à fuir le théâtre de l'insurrection. Nombre d'habitants l'avaient déjà fait, et, de sa part, cette résolution ne pourrait surprendre personne. Tout d'abord, son intention avait été de ne point accompagner M. de Vaudreuil, Clary et Jean. Mais son fils lui fit aisément comprendre que, le départ une fois annoncé, si ses voisins le revoyaient encore à Saint-Charles, ils soupçonneraient que la charrette louée avait dû servir à quelques patriotes cachés dans Maison Close, que les agents de la police finiraient par l'apprendre, qu'ils s'en prendraient à elle, et que, dans son intérêt, comme dans celui de monsieur et mademoiselle de Vaudreuil, il ne fallait point fournir le motif de procéder à une enquête. Bridget dut se rendre à cette très sérieuse raison. Lorsque la période de trouble serait achevée, elle reviendrait à Saint-Charles et finirait sa misérable vie au fond de cette maison dont elle avait espéré ne jamais sortir. Ces questions définitivement résolues, Bridget s'occupa de se procurer un moyen de transport. Ne fût-ce qu'une charrette, elle suffirait pour atteindre le comté de la Prairie, que les colonnes royales ne menaçaient pas encore. Bridget quitta donc sa maison dès le matin. Elle était munie de l'argent nécessaire à la location, ou plutôt à l'acquisition du véhicule, argent qui lui avait été remis par M. de Vaudreuil. Pendant son absence, Jean et Clary ne s'éloignèrent pas de la chambre de M. de Vaudreuil. Celui-ci avait retrouvé toute son énergie. Devant l'effort qu'il aurait à faire pour supporter ce voyage, il sentait que la force physique ne lui ferait pas défaut. Déjà même, une sorte de réaction avait modifié son état. Malgré sa faiblesse, très grande encore, il était prêt à se lever, prêt à se rendre de son lit à la route, lorsque le moment serait venu de quitter Maison Close. Il répondait de lui, au moins pour quelques heures. Après, il en serait ce qu'il plairait à Dieu. Mais peu importait, s'il avait pu revoir ses compagnons, s'il avait assuré la sécurité de sa fille, si Jean son nom était au milieu des Franco-Canadiens, résolu à une lutte suprême. Oui, ce départ s'imposait, En effet, si M. de Vaudreuil ne devait pas survivre à ses blessures, que deviendrait sa fille à maison close, seule au monde, n'ayant plus que cette vieille femme pour appui? Sur la frontière, à Swanton, à Plattsburgh, il retrouverait ses frères d'armes, ses amis les plus dévoués, et parmi eux, il en était un dont M. de Vaudreuil approuvait des sentiments. Il savait que Vincent Hodge aimait Clary, et Clary ne refuserait pas de devenir la femme de celui qui venait de risquer sa vie pour la sauver. À quel plus généreux, à quel plus ardent patriote eût-elle pu confier son avenir? Il était digne d'elle, elle était digne de lui. Dieu aidant, M. de Vaudreuil aurait la force d'atteindre son but. Il ne succomberait pas avant d'avoir mis le pied sur le territoire américain, où les survivants du parti réformiste attendaient le moment de reprendre les armes. Telles étaient les pensées qui surexcitaient M. de Vaudreuil, tandis que Jean et Clary, assis à son chevet, n'échangeaient que de rares paroles. Entre-temps, Jean se levait, s'approchait de celle des fenêtres qui s'ouvraient sur la route et dont les volets étaient fermés. De là, il écoutait si quelques bruits ne troublaient pas la route aux environs de la bourgade. Bridget revint à maison close après une absence de 2 heures. Elle avait dû s'adresser à plusieurs habitants pour l'acquisition d'une voiture et d'un cheval. Ainsi que cela était convenu, elle n'avait point dissimulé son intention de quitter Saint-Charles, ce dont personne n'avait été surpris. Le propriétaire d'une ferme voisine, Luc Archambault, avait consenti à lui céder pour un bon prix une charrette qui devait être amenée, tout attelée, vers 9 heures du soir, à la porte de maison close. M. de Vaudreuil éprouva un soulagement véritable lorsqu'il apprit que Bridget avait réussi. « À 9 heures, nous partirons, dit-il, et je me lèverai pour aller prendre place. »« Non, monsieur de Vaudreuil, répondit Jean. Ne vous fatiguez pas inutilement. Je vous porterai dans cette charrette, sur laquelle nous aurons étendu une bonne litière de paille, et par-dessus, un des matelas de votre lit. Puis, nous irons à petits pas, afin d'éviter les secousses, et j'espère que vous pourrez supporter le voyage. Mais, comme la température est assez basse, ayez la précaution de bien vous couvrir. Quant à craindre quelques mauvaises rencontres sur la route, tu n'as rien appris de nouveau, ma mère. » « Non, répondit Bridget. Cependant, on s'attend toujours à une seconde visite des royaux. Et ces hommes de police qui m'ont poursuivi jusqu'à Saint-Charles? Je n'en ai vu aucun, et il est probable qu'ils se sont lancés sur une fausse piste. Mais ils peuvent revenir, dit Clary. Aussi partirons-nous dès que la charrette sera devant la porte, répondit M. de Vaudreuil. À 9 heures, dit Bridget. Tu es sûre de l'homme qui te l'a vendu, ma mère? Oui, c'est un honnête fermier. Et ce qu'il s'est engagé à faire, il le fera. En attendant, M. de Vaudreuil voulut se réconforter un peu. Bridget, aidée de Clary, eut vite préparé le frugal déjeuner, qui fut pris en commun. Les heures s'écoulèrent sans incident. Nul trouble au dehors. De temps à autre, Bridget entr'ouvrait la porte et jetait un rapide regard à droite et à gauche. Il faisait un froid assez vif. La teinte grisâtre du ciel indiquait le calme absolu de l'atmosphère. Il est vrai, si le vent venait à s'établir au sud-ouest, si les vapeurs se résolvaient en neige, cela rendrait très pénible le transport de M. de Vaudreuil, au moins jusqu'aux limites du comté. Malgré cela, toutes les chances semblaient être pour que le voyage s'accomplit dans des conditions supportables lorsque, vers 3 heures de l'après-midi, une première alerte se produisit à Saint-Charles. Des sons, éloignés encore, se faisaient entendre vers le haut de la bourgade. Jean ouvrit la porte et prêta l'oreille. Il ne put retenir un geste de colère. « Des trompettes ? » s'écria-t-il. « Une colonne qui se dirige sur Saint-Charles, sans doute. »« Que faire ? » demanda Clary. « Attendre, » répondit Bridget. « Peut-être ces soldats ne feront-ils que traverser la bourgade ?» Jean secoua la tête. Et pourtant, puisque M. de Vaudreuil était dans l'impossibilité de partir en plein jour, il fallait attendre, ainsi que l'avait dit Bridget, à moins que Jean ne se décidât à fuir. En effet, s'il quittait maison close à l'instant, s'il se jetait à travers les bois contigus à la route, n'aurait-il pas le temps de se mettre en sûreté avant que Saint-Charles eût été occupé par les royaux? Mais s'eût été abandonné M. et Mlle de Vaudreuil, alors qu'ils étaient exposés au plus grave péril? Jean n'y songea même pas. Et cependant, comment pourrait-il les défendre si leur retraite était découverte? D'ailleurs, l'occupation allait être très rapidement opérée. C'était une partie de la colonne de Witherall, envoyée à la poursuite des patriotes du comté qui, après s'être rabattu le long du Richelieu, revenait bivaquer à Saint-Charles. De maison close, on entendait la sonnerie des clairons qui se rapprochait. Cette sonnerie se tut enfin. Les troupes étaient arrivées à l'extrémité de la bourgade. Bridget dit alors « Tout n'est pas perdu. La route est libre du côté de la prairie. La nuit venue, il se peut qu'elle le soit encore. Nous ne devons rien changer à nos projets. Ma maison n'est pas de celles qui attireront les pillards. Elle est isolée, et il est possible qu'elle échappe à leur visite. » On pouvait l'espérer. Oui, bien d'autres habitations ne manquaient pas, où les excès des soldats de Sir John Colborne trouveraient à s'exercer avec plus de profit. Et puis, en ces premiers jours de décembre, la nuit ne tarderait pas à venir, et il ne serait peut-être pas impossible de quitter Maison Close sans éveiller l'attention. Les préparatifs de départ ne furent donc pas suspendus. Il s'agissait d'être en mesure pour le moment où la charrette se présenterait devant la porte. Que la route fut libre pendant une heure, et à 3 milles de là, si l'état de M. de Vaudreuil l'exigeait, les fugitifs iraient demander asile dans l'une des fermes du comté. La nuit arriva sans nouvelle alerte. Quelques détachements de volontaires, qui s'étaient portés jusqu'au bas de la grande route, étaient revenus sur leurs pas. Maison Close ne semblait point avoir attiré leurs regards. Quant au gros de la colonne, il était cantonné aux alentours du camp de Saint-Charles. Il se faisait là un assourdissement tumulte qui ne présageait rien de bon pour la sécurité des habitants. Vers les 6 heures, Bridget voulut que Jean et Clary prissent leur part du dîner qu'elle venait de préparer. Monsieur de Vaudreuil mangea à peine. Surexcité par les dangers de la situation, par la nécessité d'y faire face, il attendait impatiemment le moment de se mettre en route. Un peu avant 7 heures, on heurta légèrement la porte. Était-ce le fermier qui, devançant le moment convenu, amenait la charrette? En tout cas, ce ne pouvait être une main ennemie qui frappait avec cette réserve. Jean et Clary se retirèrent dans la chambre de M. de Vaudreuil, dont ils laissèrent la porte entrebâillée. Bridget gagna l'extrémité du couloir et ouvrit, après avoir reconnu la voix de Luc Archambault. L'honnête fermier venait prévenir Madame Bridget qu'il lui était impossible de tenir son engagement, et il lui rapportait le prix de cette charrette, dont il ne pouvait opérer la livraison. En effet, les soldats occupaient sa ferme, comme les fermes environnantes. Quant à la bourgade, elle était cernée, et, alors même que la charrette eût été mise à sa disposition, Madame Bridget n'aurait pu en faire usage. Il fallait attendre, bon gré, mal gré, que Saint-Charles fût définitivement évacué. Jean et Clary, de la chambre où ils se tenaient immobiles, entendaient ce que disait Luc Archambault. Monsieur de Vaudreuil également. Le fermier ajouta que Madame Bridget n'avait rien à craindre pour Maison Close, que si les habits rouges étaient revenus à Saint-Charles, ce n'était que pour prêter main forte à la police, laquelle commençait à pratiquer des perquisitions chez les habitants. Et pourquoi? Parce que, d'après certains bruits, Jean son nom avait dû se réfugier dans la bourgade, où tous les moyens seraient employés pour le découvrir. En entendant le fermier prononcer le nom de son fils, Bridget ne fit pas un mouvement qui pût la trahir. Luc Archambault se retira alors, et Bridget, rentrant dans la chambre, dit « Jean, fuis, à l'instant !»« Il le faut !» répéta M. de Vaudreuil. « Fuir sans vous ?» répondit Jean. « Vous n'avez pas le droit de nous sacrifier votre existence, » reprit Clary. « Avant nous, il y a le pays. »« Je ne partirai pas, » dit Jean. « Je ne vous laisserai pas exposer aux brutalités de ces misérables. » « Et que pourriez-vous faire, Jean ?»« Je ne sais, mais je ne partirai pas. » La résolution de Jean était si formelle que M. de Vaudreuil n'essaya plus de la combattre. D'ailleurs, on le reconnaîtra, une fuite, tentée dans ces conditions, n'eut offert que de faibles chances. La bourgade était cernée, d'après le dire de Luc Archambault. La route, surveillée par les soldats. La campagne battue par des détachements de cavalerie. Jean, déjà signalé, ne parviendrait pas à s'échapper. Peut-être valait-il mieux qu'il restât à Maison Close. Toutefois, ce n'était pas à ce sentiment qu'il avait obéi en prenant cette résolution. Abandonner sa mère, monsieur et mademoiselle de Vaudreuil, il ne l'aurait pu. Cette décision était définitive. Les 3 chambres de Maison Close, le grenier qui les surmontait, offriraient-ils quelques cachettes où ses hôtes parviendraient à se blottir, de manière à se soustraire aux perquisitions des agents? Jean n'eut pas le temps de s'en assurer. Presque aussitôt, de rudes coups vinrent ébranler la porte extérieurement. la petite cour, était occupée par une demi-douzaine d'hommes de police. « Ouvrez !» cria-t-on du dehors, pendant que les coups redoublaient. « Ouvrez, ou nous allons enfoncer !» La porte de la chambre de M. de Vaudreuil fut vivement refermée par Jean et Clary, qui se jetèrent dans la chambre de Bridget, d'où ils pouvaient mieux entendre. Au moment où Bridget s'avançait dans le couloir, la porte de maison close vola en éclats. Le couloir s'éclaira vivement à la lueur de torches que tenaient les agents. « Que voulez-vous ? » demanda Bridget à l'un d'eux. « Fouillez votre maison, » répondit cet homme. « Si Jean son nom s'y est réfugié, nous l'y prendrons d'abord, et nous la brûlerons ensuite. » « Jean son nom n'est point ici, » répondit Bridget, dans ton calme, « et je ne sais. » Soudain, le chef de l'escouade s'avança vivement vers la vieille femme. C'était Rip, dont la voix l'avait frappé au moment où son fils était rentré à maison close. Rip, qui, en le provoquant, avait entraîné Simon Morgaz au plus abominable des crimes. Bridget, épouvantée, le reconnut. Hé ! S'écria Rip, très surpris. C'est Madame Bridget ! C'est la femme de ce brave Simon Morgaz ! En entendant le nom de son père, Jean recula jusqu'au fond de la chambre. Bridget, foudroyée par cette effroyable révélation, n'avait pas la force de répondre. « Eh oui, Madame Morgaz, » reprit Rip. « En vérité, je vous croyais morte. Qui se serait attendu à vous retrouver dans cette bourgade, après 12 ans ?» Bridget se taisait toujours. « Allons, mes amis, » ajouta Rip, en se retournant vers ses hommes. « Rien à faire ici. Une brave femme, Bridget Morgaz. Ce n'est pas elle qui cacherait un rebelle. Venez, et continuons nos recherches. » Puisque Jean sans nom est à Saint-Charles, ni Dieu, ni diable nous empêcheront de le prendre. Et Rip, suivi de son escouade, eut bientôt disparu par le haut de la route. Mais le secret de Bridget et de son fils était maintenant dévoilé. Si M. de Vaudreuil n'avait rien pu entendre, Clary n'avait pas perdu une seule des paroles de Rip. Jean sans nom était le fils de Simon Morgaz. Et, dans un premier mouvement d'horreur, Clary, s'enfuyant de la chambre de Bridget, comme affolé, se réfugia dans celle de son père. Jean et Bridget étaient seuls. Maintenant, Clary savait tout. À la pensée de se retrouver devant elle, devant M. de Vaudreuil, devant l'ami de ses patriotes dont la trahison de Simon Morgaz avait fait tomber les têtes, Jean crut qu'il allait devenir fou. « Ma mère, s'écria-t-il, je ne resterai pas un instant ici. Monsieur et Mademoiselle de Vaudreuil n'ont plus besoin de moi pour les défendre. Ils seront en sûreté. » Dans la maison de Morgaz. Adieu. Mon fils, murmura Bridget. Ah, malheureux. Crois-tu que je ne t'ai pas deviné? Toi, le fils de... Tu aimes Clary de Vaudreuil? Oui, ma mère. Mais je mourrai avant de le lui avoir jamais dit. Et Jean s'élança hors de maison close. Fin de la section 18.